Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Être un observateur lucide, tendre à être un observateur lucide et observer le cynisme en politique sans tomber soi-même dans le cynisme. Et croire en l'avènement de l'homme nouveau, grande et traditionnelle croyance du 19e et du 20e siècle. Journaliste, ambassadeur, homme politique, Gilles Martinet était l'invité d'Emmanuel Laurentin à la fin des années 90 pour À voix nue. Voici les trois premiers volets de cette série, réalisés par Christine Robert. Gilles Martinet, si l'expression n'avait pas été prise par quelqu'un d'autre, il y a une quinzaine d'années de cela, on aurait pu dire de vous que vous étiez un spectateur engagé. En fait, nous allons dire lors de cette série de À voix nue que vous avez été un observateur engagé. D'abord parce que vous avez fondé en 1950 avec Claude Bourdet et avec Roger Stéphane et grâce, je crois, à 5 millions de francs prêtés par la maman de Roger Stéphane à l'époque, vous avez fondé l'Observateur, qui est devenu plus tard France Observateur, puis le Nouvel Observateur. Mais vous avez été un observateur particulier, un observateur engagé, parce que vous avez toujours allié la réflexion théorique avec un engagement sur le terrain. On vous trouve à 16 ou 17 ans, je ne sais, dans des manifestations devant la Sorbonne, faisant le coup de poing contre des étudiants d'extrême droite. On vous trouve dans la Résistance pendant la guerre. On vous trouve observateur, là aussi, parce que vous êtes journaliste immédiatement après-guerre, mais également engagé parce que vous avez un engagement anticolonialiste très fort. Vous rencontrez donc beaucoup de dirigeants nationalistes, en particulier nationalistes arabes, lors de cette période-là. On vous trouve engagé également parce que vous fondez le PSU avec d'autres, et puis parce que plus tard, eh bien, ce PSU s'étant dissous, ayant disparu, vous rejoignez le Parti Socialiste et que vous deviendrez donc quelqu'un qui participe à la réflexion théorique de ce Parti Socialiste avant qu'il ne prenne le pouvoir dans les années 80. Alors j'aurais voulu d'abord, pour cette première émission qui sera consacrée à la partie de votre vie où vous avez été engagé auprès du Parti Communiste, essayer de comprendre comment votre entourage vous avez poussé ou vous avez retenu dans cet engagement vis-à-vis du communisme, donc dès 15 ou 16 ans, c'est-à-dire dès le début des années 30, le milieu des années 30, au moment où les Ligues défilent à Paris le 6 février 34, et vous y êtes d'ailleurs sur cette place de la Concorde. Oui, quand j'adhère aux jeunesses communistes, j'ai un père radical socialiste et c'est un peu contre lui et contre la famille, contre le milieu, que j'ai fait cette démarche. D'ailleurs, mon père était un peu affolé quand il a vu les statuts du groupe révolutionnaire du lycée Carnot que j'avais fondé, et il a été voir tous les parents de mes amis pour savoir qu'est-ce qui avait pu m'entraîner dans une telle voie. Mon père était un vrai républicain, très attaché à la gauche radicale, mais le communisme, c'était à l'époque un monde totalement étranger, car le Parti communiste de 1933, auquel je vais adhérer, est un parti assez marginal. Il n'existe que dans la région parisienne, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les ports, et il annonce 30 000 membres et 7 000 jeunesses, et probablement il en a moins. Il a 10 députés. Mais alors, il est devenu un parti bolchévique. Au départ, c'était un parti socialiste, révolutionnaire, pacifiste. Là, il s'est bolchévisé. Et il est en train, mais moi je m'en aperçois pas, il est en train de se staliniser. Bolchévisé, c'est-à-dire que vous avez des noms de guerre, vous êtes les cellules, voilà, se réunissent, vous appelez Gauthier, vous. Moi, je m'appelle Gauthier, je suis dans la même cellule que Jean-Pierre Vernant qui s'appelle Jérôme. Nous devons nous être toujours prêts théoriquement à passer à la clandestinité. Et puis, nous sommes totalement intransigeants par rapport à la social-démocratie qui est l'objet de pire détestation. C'est classe contre classe, c'est le refus de la discipline républicaine aux élections au second tour. Et nous défilons dans Paris en criant « les soviets partout, les soviets à Paris ». Et nous récitons les poèmes d'Aragon, « Feu sur Léon Blum »,« Feu sur les ours savants » de la social-démocratie. Enfin, nous sommes un véritable parti gauchiste. Et en 2 ans, tout va changer. C'est-à-dire entre 1934, le 6 février 34, l'émeute fascisante, disons, et la venue au pouvoir du Front populaire, la création du Front populaire puis la venue au pouvoir, tout va incontestablement changer. Moi, je retrouve mon père, qui mourra d'ailleurs en 36, mais nous mourrons réconciliés dans le cadre du Front populaire. Je retrouve ma patrie, mon pays, tout cela me paraît naturel et je suis heureux de ce changement. Alors, qu'est-ce qui vous avait fait entrer 2 ans plus tôt, donc en 1933, 1934, dans ce parti communiste? Vous auriez pu avoir, on imagine, un jeune de votre âge à l'époque, plutôt ancré à gauche, donc, mais vous avez le choix entre la SFIO, vous avez le choix et oui, le Parti communiste. Qu'est-ce qui vous fait choisir l'un ou l'autre, Gilles Martinet? Quand je suis lycéen, j'hésite entre la SFIO, qui surtout dans la région parisienne est assez à gauche, et le Parti communiste. Et je profite du jeudi, puisqu'on avait le congé le jeudi et pas le mercredi, pour aller à la librairie de la SFIO, la librairie du Parti communiste. D'un côté, je tombe dans un milieu poussiéreux, ancien, avec de vieilles brochures de Jaurès, et de l'autre, je tombe sur un personnage qui tient pour quelques mois la bibliothèque du Parti communiste et qui n'est autre que Nizan. Et alors, c'est Nizan qui va me pousser. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui tout de suite? Sa grande intelligence et puis les conseils qu'il me donne. Lui, alors, me guide vers les lectures, vers Marx, vers des lectures qui me paraissent plus sérieuses. Et son dandysme aussi. Et d'une certaine manière son dandysme. En fait, j'ai toujours aimé les révolutionnaires bien habillés, stylés et de bonne éducation. C'était, disons, l'attraction que certains ont pu avoir au moment de la Révolution française. Pour ce monsieur poudré élégant qui était Robespierre, je l'ai prouvé d'une certaine manière. Ça me faisait plaisir de voir qu'il y avait dans le camp révolutionnaire des gens qui étaient un peu des bourgeois comme j'étais au fond, tout en le niant, comme j'étais un fils de bourgeois. Alors justement, quelle est votre vision à l'époque de cette classe ouvrière qui est si magnifiée par le Parti communiste et comment conciliez-vous justement votre bourgeoisie d'origine avec cette classe ouvrière qui devient une sorte de paradis pour... Alors, effectivement, il y avait un mot à l'époque qui a été aussi utilisé beaucoup après la guerre, au service de la classe ouvrière. C'était le rôle des intellectuels que d'être pour la classe ouvrière. D'abord, le mouvement ouvrier, c'était quelque chose de différent d'aujourd'hui. Et je parle pas seulement des communistes, bien entendu. Il y avait une morale, il y avait un comportement, une attitude, une façon d'être, un refus des valeurs de l'argent, un sens de la solidarité qui était très impressionnant. Le contact avec les cellules ouvrières était quelque chose qui effectivement peut-être créait l'illusion, mais en même temps correspondait à quelque chose de profondément vrai. Donc j'étais attiré par ça. Et puis, des années 30, c'est les années où on découvre le marxisme en France. Et on le découvre à travers les communistes officiels, les communistes dissidents. Mais l'ASFIO avait une vision très sommaire du marxisme. Vous voulez dire qu'on ne se référait pas à l'époque, quand on était socialiste par exemple, aux textes originaires, si, à la mais Bible. À très peu de textes. Vous savez, les œuvres complètes de Marx n'ont été traduites dans la collection Coste que dans les années 30. Donc, seuls les germanistes connaissait véritablement l'œuvre de Marx, ce qui fait que Jaurès, qui n'était pas marxiste, connaissait mieux Marx que Guède, qui passait pour le principal disciple. Il y avait quelques livres traduits, Manifeste communiste, etc., mais on connaissait une vulgate marxiste, mais on ne connaissait pas réellement les textes philosophiques de Marx. Et quant au Capital, il avait eu une édition très ancienne et seulement du premier tome. Et la découverte du marxisme se fait à travers le communisme. Pas nécessairement le parti communiste, mais à travers le communisme. Et c'est ça qui me fascine. Alors ce début des années 30, Gilles Martinet, c'est une époque de factions d'extrême droite, mais on peut considérer d'une certaine façon que le parti communiste de l'époque est un parti factieux aussi, c'est-à-dire un parti qui fait le coup de poing, un parti qui se bagarre. Vous-même, vous racontez que vous vous trouvez face à la Sorbonne à devoir faire le coup de poing, face à des étudiants qui d'ailleurs peut-être, parmi lesquels pourraient se trouver... on ne sait pas, peut-être un hasard, celui que vous croiserez beaucoup plus tard dans votre vie, qui s'appelle François Mitterrand. Oui, il semble qu'il ait participé aux manifestations qui accompagnaient la grève des métèques. La grève contre les métèques, qui était une grève contre les étudiants étrangers, surtout polonais et roumains, et qui a eu un succès dans la faculté de droit et la faculté de médecine. Nous avons eu du mal à préserver la Sorbonne, à empêcher que la grève s'étende à la Sorbonne. Et la discussion à l'époque se passe à coup de poing. En grande partie à coup de poing. Alors, il y avait, nous étions une nouvelle génération qui avions cette double caractéristique d'en avoir assez des anciens combattants. Il nous ennuyait parce que tout le temps il plastronnait, il défilait, et puis finalement qu'est-ce qu'avait été l'après-guerre. Nous étions injustes d'ailleurs sûrement, mais nous avions, et en même temps nous vivions dans l'attente de grands événements. Que ça soit à gauche ou que ça soit à droite. Nous vivions dans l'attente de grands événements parce qu'il y avait la crise économique qui nous avait frappés, qui avait atteint ma propre famille. Mon père a été ruiné par la crise de 1930. Il y avait la crise et il y avait donc le chômage. Et il y avait finalement la menace de guerre qui commençait à monter. Donc, communisme et fascisme, c'était deux pôles extrêmes, mais assez représentatifs de la sensibilité de la nouvelle génération. En tout cas... au Quartier Latin, c'est comme ça que les choses se présentent. Alors le 6 février 34, vous vous retrouvez sur la place de la Concorde à regarder ce qui se passe ou à côté, je ne sais. Non, c'est-à-dire que j'étais avec quelques centaines de militants communistes. Nous nous trouvions loin de la Concorde, devant le siège du parti pour assurer sa défense. Nous avons été chargés par la police, nous nous sommes reformés sur les grands boulevards, nous avons défilé jusqu'au carrefour Richelieu-Drouot, et puis là, la police nous a chargés, j'ai été un peu bousculé, puis nous avons été dispersés. Alors là, avec quelques camarades, on a dit, curieusement, mais il était minuit, que nous allions voir ce qui se passait sur la place de la Concorde, qui était un spectacle. Tous les cafés de la rue Royale étaient pleins de blessés. Il y avait eu 17 morts. Et alors là, j'étais au milieu des ennemis, en quelque sorte. Naturellement, nous ne nous manifestions pas. C'était vraiment une émeute qui était une émeute réactionnaire et qui était devenue fascisante, fasciste en quelque sorte, en quelques heures, à la suite de ce heurte avec... Votre génération, dites-vous, donc en a assez des anciens combattants, et à ce moment-là aussi, février 1934, vous donnez l'impression aussi d'en avoir assez des anciens combattants, y compris des communistes qui ont fait appeler à cette manifestation des anciens combattants oui, communistes. Alors, ça a été une grosse erreur du Parti communiste d'envoyer ces anciens combattants défiler avec les autres. Et alors, le Parti communiste a retourné l'affaire. 3 jours après, le 9 février, le Parti communiste, avec quelques milliers de personnes seulement, a manifesté dans Paris et nous avons eu situés. Et c'est là où, la première fois, je me suis trouvé sur les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant à élever des barricades. C'était pour moi passionnant. Puis il y a eu le 12 où on s'est retrouvé avec les socialistes. Y avait-il un goût du... non pas du martyr, mais quelque chose qui ressemblerait à ça, Gilles Martinet, à l'époque, un martyrologue. Vous vous expliquez qu'une des premières rencontres avec le Parti communiste à l'époque, c'est de voir défiler les anciens de la Commune, oui. Au Père Lachaise, au Mur des Fédérés. Oui. Et on a l'impression que la gauche, de loin en loin, et en particulier la gauche extrême, aime à se retrouver dans ces grands moments où on exalte les héros morts au combat. Voilà, alors là, il y a dans le mouvement communiste une sorte de contradiction. Le Parti communiste est né du pacifisme. Les bolcheviks apparaissaient comme les seuls qui avaient eu le courage de s'opposer à la grande tuerie de 14-18 alors que les autres partis socialistes avaient trahi. Mais en vérité, ce qui attirait les gens dans le Parti communiste, c'était de moins en moins le pacifisme. Même s'il y avait la fameuse rubrique sur les gueules de vache, contre les officiers, etc., ce qui a tiré, c'est la gloire militaire, c'est la guerre civile. Les films sur la guerre civile russe, c'était notre passion. Alors justement, Gilles Martinet, vous vous retrouvez au bon moment pour observer ce changement du Parti communiste, puisque entre 34, le moment où vous entrez, oui, au Parti communiste, et puis 36, on voit un bouleversement de la stratégie avec la récupération par le Parti communiste dans ces années-là de tout un attirail qui est l'attirail normalement du nationalisme, l'attirail de Jeanne d'Arc, oui, tout ce qui est considéré comme l'attirail de l'extrême droite. Et là, le Parti communiste le récupère en un tour de main en 2 ans. En 1934, une revue communiste qui s'appelait Regard avait publié sur Jeanne d'Arc un article disant qu'elle n'était pas morte à Rouen et que très probablement, elle avait épousé un personnage qui s'appelait le Sire des Armoises. C'était une version qui a eu cours, et moi, elle me faisait rigoler que Jeanne d'Arc ait terminé sa vie, non pas sur un bûcher, mais comme la femme d'un petit noblio, ça me paraissait merveilleux. Eh bien, 2 ans plus tard, les Jeunes Filles de France, c'est-à-dire l'organisation des jeunes femmes, des jeunes filles communistes, défilaient rue de Rivoli pour saluer la sainte, l'héroïne de la patrie. Alors que s'est-il passé entre-temps, Gilles Martinet ? En fait, je crois que la classe ouvrière est beaucoup plus nationaliste qu'internationaliste. Ce sont les intellectuels qui sont internationalistes. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de mal pour le Parti communiste de retrouver cette fibre-là. Ce changement avait un côté sincère. Mais le parti se stalinisait avec l'ouvriérisation des cadres, d'origine ouvrière qu'on formait à Moscou et qui étaient donc entièrement dévoués. Le parti se stalinisait, mais aux yeux de l'électorat, il apparaissait comme le parti républicain qui n'hésiterait pas à recourir à des méthodes énergiques pour imposer la volonté du peuple et les aspirations populaires. C'est comme ça qu'on voyait le parti. Et dans la tradition du jacobinisme. Alors, on regarde ce que l'on sait aujourd'hui, justement, de la double direction du Parti communiste à l'époque, oui, avec Genfried et les biographies qui ont été faites sur lui, avec ce qui s'est passé. Anna Poker, voilà, etc. Est-ce que vous, sur le terrain, en tant que communiste de base, vous vous rendiez compte que le Parti communiste n'était pas toujours aussi indépendant qu'il voulait bien le dire et que le grand frère soviétique non, était là derrière. Non, parce que longtemps il m'apparaissait que le cœur de la révolution c'était l'Union soviétique, qu'il fallait la défendre à tout prix, qu'elle était menacée, c'était la thèse que tous acceptaient. Et c'est un événement fortuit qui m'a amené à ouvrir les yeux. En avril 1936, se tient à Paris, dans une salle de la Mutualité, où à l'occasion de la dernière campagne électorale, j'ai participé à un meeting, d'ailleurs, dans la grande salle du haut de la Mutualité, il y avait une conférence de Boukharine. Boukharine avait été le lieutenant de Staline, il avait fait alliance, il avait été mis à l'écart, puis Staline avait eu besoin de lui avec les difficultés du premier plan quinquennal, il était directeur des Izvestia. Mais Staline préparait sa chute et il l'avait envoyé à Paris pour acheter les manuscrits de Marx que la social-démocratie allemande avait ramenés en France après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ce qui était évidemment ce qui allait servir pour le procès, puisque Boukharine avait pris contact évidemment avec les sociaux-démocrates. Alors le Parti communiste français ne savait pas trop que faire de cette présence de Boukharine à Paris, et il a décidé non pas de faire un grand meeting, mais une grande conférence sur un thème non dangereux, le matérialisme dialectique. Et j'avais été comme chargé de fournir une partie du service d'ordre de cette manifestation. Et pour le jeune communiste que j'étais, de 20 ans, voir un héros d'octobre, c'était fantastique. Si j'avais osé, je lui aurais touché la veste. J'étais absolument admiratif. Sa conférence était terriblement ennuyeuse, mais c'était Boukharine. Et voilà que un an et demi plus tard, il y avait déjà le procès Zinoviev, Kamenev, etc., Boukharine passe en procès. Et il est condamné à mort. Pour avoir tenté de tuer Lénine dans le passé, pour avoir ordonné de mettre de la limagne de fer dans la nourriture des malheureux ouvriers russes, etc., etc. Alors, à cette époque, on éditait ce que nous appelions les briques, c'est-à-dire qu'on éditait les éditions soviétiques, donner le compte-rendu sténographique des procès. C'était d'énormes pavés. Je l'ai acheté, j'ai lu, parce que ce Boukharine, je l'avais vu. C'est tout bête. Et alors là, je suis tombé des nues. Je dois dire qu'il était quasiment impossible de croire à ce qui était dit. Et du coup, j'ai lu, il y avait le tribunal qui a été monté autour de Trotsky, il y avait toute une série de publications, j'ai lu ces publications, et c'est à ce moment-là, en fin 38, que j'ai quitté le Parti communiste. Je me considérais toujours comme communiste, mais là, je ne pouvais plus accepter. On a l'impression d'un processus de dévoilement successif, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites traces qui vous sont données, quelques petits signaux qui vous sont donnés. Lorsque, par exemple, Staline défend la politique de défense nationale de Laval, et là vous dites, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans ma cellule, je n'étais pas trop d'accord. Oui. À un autre moment, lorsqu'il y a un combat entre Doriot et Thorez, vous dites, il y en a un qui prône le rapprochement avec la social-démocratie, l'autre qui est totalement contre, et puis on retrouve celui qui est totalement contre, totalement d'accord quelques mois plus tard. Tout ça, ce sont des processus de dévoilement successif, mais il faut un révélateur, un moment. Il faut un révélateur. Il faut un révélateur parce que on a tendance à dire, c'est vrai que les premiers procès, par exemple, ma réaction était de dire c'est un peu une caricature, mais probablement pour les masses soviétiques, c'est indispensable. Et puis, de toute façon, est-ce que la révolution, dans une période aussi tendue, peut se permettre le luxe d'une opposition ? C'était ça le raisonnement. Pas seulement le mien, naturellement. Il a fallu, en effet, ce détonateur pour que une petite série, une accumulation de petits faits prennent un sens. Encore que j'étais perdu. J'ai donné ma démission du parti parce que, mais j'étais perdu. Alors dans les bras de qui pouvez-vous vous réfugier? Alors beaucoup de gens pensent que je suis allé au trotskisme. En fait, j'avais des amis qui étaient trotskistes parce que, mais j'ai toujours pensé que le trotskisme c'était l'envers d'une certaine manière du stalinisme et que on restait toujours dans le même cheminement. Trotsky n'a jamais voulu critiquer Lénine et il était prisonnier parce que il restait dans un schéma dépassé. Et puis en ce qui concerne l'Espagne, j'étais très hostile à la position prise par Trotsky. Vous savez qu'il a passé son temps à critiquer le PUM, c'est-à-dire le parti qui était le plus proche de lui. Il était vraiment, il avait une vision quand il était au Mexico, une vision de très théorique, très abstraite de la révolution mondiale. Et puis en plus, je connaissais des trotskistes, mais alors leur manie de se diviser en 3, 4, 5 groupes me paraissait. Donc, je n'étais rien, et donc l'année 1938 est marquée principalement par mon mariage, et 39, je suis mobilisé, et ensuite, avant de retrouver le communisme. Ensuite, la résistance, qui était une facilité, qui était une certaine facilité pour des gens comme moi qui ne pouvaient pas être tentés par Vichy à aucun moment. Et c'était une facilité parce qu'on était dans des mouvements qui n'étaient pas liés à un parti, même si certains étaient noyautés par le Parti communiste, et notamment par mes anciens camarades, parce que les Vernant, les Pierre Hervé, les Lucie Aubrac, c'était des camarades du Parti communiste, dans la vérité. Et Hervé, qui niera toujours dans la résistance avoir être membre du Parti communiste, a fini comme secrétaire général du mouvement de libération nationale. Alors, j'avais des contacts avec eux. J'étais partisan de travailler avec les communistes. Oui, parce que, contrairement à beaucoup d'autres, votre rupture avec le Parti communiste n'est pas marquée par un anticommunisme immédiat et forcené. Non, pas du tout. Et pourquoi ? Pas du tout, parce que, alors là, je rejoins un peu ce qui sera la pensée de beaucoup de progressistes et de compagnons de route après la guerre, à savoir le Parti communiste, c'est tout de même la représentation de la classe ouvrière. On ne peut pas espérer faire gagner la gauche sans l'alliance du Parti communiste. Autant j'avais été critique à l'égard du pacte germano-soviétique, comme d'ailleurs mes camarades qui reviendront au parti par la suite, bien dans la résistance, le Parti communiste était un fer de lance. Naturellement, il n'a pas eu 70 000 fusillés pour la bonne raison qu'il a dû en avoir 15 000 dans toute la France. Mais c'est vrai qu'il subissait la répression et qu'il était particulièrement courageux. Donc, il faut travailler avec le Parti communiste. C'était mon idée, mais en même temps, je me disputais, je me souviens, avec Pierre Hervé sur l'Union soviétique, sur la nature du régime soviétique, etc. Est-ce que à l'époque, vous croyez encore, comme beaucoup de gens le croient, dans les années 30 en tous les cas, et dans les années 40, à cet homme nouveau, l'avènement de cet homme nouveau qui est espéré et qui est quand même presque une vulgate de tous les gens qui sont à gauche et qui croient au Parti communiste. Oui, ça fait pas partie seulement du communisme, ça fait partie d'une grande tradition du 19e siècle et du 20e d'une certaine manière. Au fond, c'est la transposition laïque de rêves religieux. Ce premier volet de La Voix Nue de Gilles Martinet, au micro d'Emmanuel Laurentin, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 9 février 1998. Voici le deuxième volet de cette série d'A Voix Nue. Gilles Martinet, hier nous vous avons quitté au cœur de la résistance, lorsque, après vous être engagé au sein du Parti communiste, après l'avoir quitté au moment des procès de Moscou, donc dans l'immédiate après-guerre, vous êtes entré en résistance, vous écriviez à l'époque des éditoriaux pour le journal L'Insurgé de Lyon, vous participez donc au mouvement de résistance, vous y croisez vos anciens camarades communistes. En août 1944, c'est la libération de Paris. Vous y êtes, Gilles Martinet. Oui, à ce moment-là, j'ai fait partie d'un réseau qui s'appelle AID et qui est chargé des problèmes de communication, de presse clandestine et de préparation de la libération, c'est-à-dire de la prise en main des journaux, des agences de presse. Et comme j'étais, avant la guerre, à partir de 1937, j'étais un jeune rédacteur de l'agence Havas Information. À ma démobilisation à Clermont-Ferrand en 1940, on me dit « vous étiez communiste ». et les communistes et les francs-maçons, nous n'en voulons plus. Donc, je suis chassé, je ne suis pas repris plus exactement à ma démobilisation à l'agence France-Presse. Parmi les gens qui sont chassés, alors en tant que franc-maçon, il y a Louis Jox, le futur ministre gaulliste. Alors, dans ce réseau chargé de s'occuper, sous le contrôle du Conseil national de la résistance, de la prise en main des organismes, je suis désigné comme futur rédacteur en chef de l'agence France-Presse. Vous êtes très jeune à l'époque. À quoi devez-vous, 28 ans. À quoi devez-vous justement cet accès à un poste de responsabilité aussi important ? Vous savez, dans les mouvements clandestins, les choses ne se passent pas comme dans une administration régulière. En fait, le directeur désigné de l'agence France-Presse était celui qui m'avait fait entrer à l'agence à basse information et qui aussi, en tant que franc-maçon, avait été écarté en 1940. Il s'appelait Léon Rollin. C'était un ami de mon père et il était lui nommé comme directeur et il m'a proposé comme rédacteur en chef. Et l'homme qui suivait des choses du point de vue du mouvement de libération nationale, c'était Pierre Hervé, qui savait que je n'étais plus communiste, mais qui était un camarade et qui a trouvé ce choix bon. Alors, il se trouve que nous avons été arrêtés, Rollin et moi, peu de temps après le débarquement, que j'ai pu m'enfuir et que lui est resté en prison. Donc, c'est moi qui ai pris en main l'agence. J'ai eu le plaisir d'entrer dans la maison d'où j'avais été chassé, le revolver à la main, et de prononcer la fameuse phrase « Au nom de la République française, prenons acte ». Alors, je suis resté rédacteur en chef de l'agence France-Presse jusqu'en 1947, où je suis révoqué, puis rétabli, à la suite d'un incident concernant la guerre d'Indochine. Parce que tout de suite, à l'immédiate après-guerre, vous entrez dans un militantisme actif du côté des anticoloniaux C'est-à-dire que je fonde avec Pierre Naville, en 1945, une revue qui s'appelle la Revue Internationale, disons qui est une revue marxiste indépendante, et là nous nous intéressons aux problèmes coloniaux. Par exemple, nous sommes la seule revue qui ait publié un récit fait par un journaliste qui a évolué à droite d'ailleurs, mais enfin qui était à cette époque dans la Légion étrangère, qui s'appelle Sablier, et qui nous a fait un récit de la répression de l'insurrection de la Kabylie. Nous avons été les seuls à en parler. Et puis la guerre d'Indochine, naturellement, nous avait mobilisés. Mais j'écrivais des articles, mais je n'appartenais à aucune organisation politique. J'étais donc rédacteur en chef de l'agence. Mais se posait le problème de comment rendre compte de la guerre du Vietnam qui venait de commencer. Alors je donnais les communiqués du Viet Minh. Avec cette explication... En tant que rédacteur en chef de l'AFP, donc, à l'époque. Oui, je donnais les comptes rendus. Et je veillais à ce que des informations soient aussi objectives. Ceci pour deux raisons. Premièrement, nous avions toute une série de journaux qui publiaient ces communiqués. Franc-Tireur, Combat, Libération, L'Humanité, Ce Soir, etc. Et ensuite, parce que nous essayions de reprendre le terrain perdu aux Américains, les Américains disaient que nous étions une agence de propagande, nous voulions démontrer que nous étions des journalistes qui faisaient leur métier, etc. Alors, on m'a intimé l'ordre de pas continuer, j'ai continué, on m'a révoqué, il y a eu une grève du personnel, et puis au bout d'un mois de conflit, on m'a nommé à la tête d'une succursale, d'une filiale de l'agence, et à partir de ce moment-là, j'ai mêlé un travail de journalisme à un militantisme politique. Expliquez-nous, Gilles Martinet, l'ambiance de la presse dans cette immédiate après-guerre. Parce que on a du mal à imaginer aujourd'hui où il ne reste que 5 ou 6 quotidiens nationaux, 3 ou 4 hebdomadaires nationaux à Paris. On a du mal à imaginer ce qu'est le journalisme dans l'immédiat après-guerre à Paris et cette floraison de journaux, la multiplication des tirages, cette boulimie éditoriale et la multiplication aussi des points de vue qui est afférente à cette multiplication des journaux. C'est encore une vision qui prédomine tout de suite après la guerre, c'est une vision ancienne de la presse. C'est-à-dire que la presse, c'est plus l'opinion, plus des opinions que des informations, d'une certaine manière. D'ailleurs, vous savez, au départ, c'était un recto verso, c'est tout, les journaux qui paraissaient, il y avait peu de papier. Et beaucoup d'amateurisme. Et par exemple, le succès de François, qui était issu du mouvement de résistance-défense de la France, vient de ce que c'était des jeunes gens de 24 ans, 25 ans, qui étaient à la tête de ce journal qui allait devenir un très grand journal parisien. Leur idée, leur succès, mais ça leur a coûté la direction du journal par la suite, c'était de recourir à des professionnels. Et c'est une presse qui débat, et c'est une presse qui, petit à petit, va retrouver le goût de l'information, mais n'oublions pas qu'à cette époque, la radio est entièrement entre les mains du gouvernement. Ce sera le cas d'ailleurs de la télévision lorsqu'elle apparaîtra. Et donc, ce n'est que progressivement qu'on reforme de vrais journalistes professionnels. Là, le rôle du centre de formation des journalistes, du centre de Lille, Vianney, tout ça, c'est un rôle très important. On refait des journalistes professionnels. Moi-même, j'enseignerai pendant 7 ans au centre de formation des journalistes, avec parmi les élèves Poivre d'Arvor et bien d'autres. Et lorsque je fonderai avec Bourdet et Stéphane en 1950 France Observateur, j'ai quitté en 1949 l'agence France Presse. Alors là, le changement est assez rapide. Alors comment faites-vous la part entre votre souci politique de l'époque, marqué fortement par l'anticolonialisme, et puis le travail quotidien du journaliste ? Je crois que je suis un cas d'école. On devrait dire, voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'a fait Gilles Martinet, c'est ce qu'il ne faut pas faire. De mêler le journalisme à l'activité politique. Vous savez qu'à un certain moment, j'étais à la fois le leader du PSU et le directeur de France Observateur. C'était une situation absolument ridicule puisque j'étais obligé d'exiger l'objectivité des rédacteurs de l'Observateur et donc de parler de tout ce qui se passait au PSU, de batailles internes, etc., ce qui rendait fous les militants du PSU, et en même temps, je ne persuadais pas le grand public que nous n'étions pas l'organe du PSU. C'est un cas tout à fait typique, mais ce sont les événements qui ont conduit à ça. Les débuts de l'Observateur, j'étais tout à fait hostile à la création d'un parti. Puis, c'est nos lecteurs qui ont demandé, au fur et à mesure que nous nous développions, qu'on formait des clubs d'amis, et Bourdet était plus favorable que moi, d'ailleurs, à la création de ce qu'a été la Nouvelle Gauche. Et puis ensuite, j'étais entraîné dans le mouvement, je suis donc devenu le secrétaire général de l'Union de la Gauche Socialiste, qui est issue de la Nouvelle Gauche, et puis fondateur du PSU avec Depreux, Poprenne et quelques autres. Et donc, j'ai été entraîné par cette action, et surtout parce que à cette époque, l'Observateur avait deux atouts, si j'ose dire, c'est-à-dire il était le journal le plus en flèche dans la lutte anticolonialiste, dans la guerre d'Algérie, et il était d'autre part le journal qui, à partir de 1956, c'est-à-dire du 20e congrès et de la répression du 20e congrès du Parti communiste soviétique et de la répression de la résurrection de Budapest, ralliait un grand nombre d'intellectuels communistes. Donc nous étions à la fois le journal qui espérait un changement du communisme, une réforme du communisme, une liquidation du stalinisme, et qui espérait la décolonisation. Ça a été les deux points forts du journal. Et pour cela, était immanquablement lié à l'action pratique. Nous devions soutenir, quand il y a eu des annonces de manifestations, nous entendions avec l'Express pour avoir la même une, pour mettre en avant les gens de l'UNEF et pour appuyer ces manifestations. Donc dans cette époque, les deux choses étaient liées. Le tort que j'ai eu, c'est à partir d'un certain moment d'avoir pas choisi l'un ou l'autre. Alors justement, lorsque vous expliquez cet engagement anticolonial, à partir donc de la guerre d'Indochine, on peut dire, Gilles Martinet, on ne comprend pas très bien pourquoi... une partie de la gauche tombe donc dans ce parti anticolonialiste et l'autre partie de la gauche reste dans cette vision que le colonialisme peut être quelque chose de bon pour les peuples du tiers-monde. Qu'est-ce qui vous fait tomber d'un côté plutôt que de l'autre? Est-ce que votre engagement très tôt au Parti communiste, votre engagement dans la résistance, votre rôle de journaliste et les rencontres que vous pouvez mener... Je dirais c'est mon origine communiste. C'est... l'analyse communiste des mouvements de libération nationale déjà avant la guerre et c'est l'idée que le capitalisme forme un grand ensemble et que le chaînon le plus faible se trouve dans les colonies, que donc toute lutte pour l'émancipation est une bonne lutte. Alors que le gros de la gauche française, notamment le Parti socialiste, et finalement, pour un certain colonialisme de gauche, au temps de la guerre d'Algérie, l'idée qui prédomine de ce côté-là, y compris dans le syndicat des instituteurs, par exemple, c'est qu'il vaut tout de même mieux que un jour ou l'autre les jeunes Algériens soient éduqués à l'école laïque française que dans des écoles musulmanes, islamiques, etc. Il y a ce côté d'apport de la civilisation, on est contre l'oppression, mais le drapeau français, c'est le drapeau de la liberté et il doit continuer à flotter. Mais vous dites que vous êtes anticolonialiste par idéologie avant de l'avoir été par raison. C'est probable. C'est probable, mais alors assez vite, je suis allé en tant que journaliste et dans les pays du tiers-monde, et là, ma vision a été autre. Par exemple, j'ai été invité en avril 54, donc quelques mois avant l'insurrection algérienne, par les nationalistes algériens au Maghreb. Et là, j'ai pris contact avec une réalité qui est que je connaissais mal. Et à la fois, ont disparu les illusions que je pouvais avoir sur ce que seraient ces pays une fois décolonisés. Et en même temps, ça me renforçait dans l'idée que la colonisation ne pouvait plus durer. Toujours cette volonté chez vous, Gilles Martinet, d'être un observateur lucide, c'est-à-dire de se regarder en même temps qu'il regarde les autres. Oui, et de vous observer vous-même. Pour moi, la qualité suprême, la valeur suprême. Oui, enfin la valeur suprême pour l'homme. L'homme est l'homme quand il est lucide. Et naturellement, je n'ignore pas que l'action implique... un certain aveuglement volontaire ou des choix qui... je reviens toujours, et c'est dans mon action politique d'ailleurs un élément de faiblesse, je reviens toujours à ce désir de lucidité, de ne pas me raconter d'histoire. Et je n'ai pas voulu me raconter d'histoire sur ce que serait l'Algérie indépendante. Gilles Martinet, être un observateur engagé à l'époque de l'Observateur, c'est prendre des risques, peut-être pas physiques, mais prendre des risques, disons, d'être mis en examen, comme on dit aujourd'hui, condamné, parce que on prend le parti des Algériens contre le parti de la France, par exemple. Oui, j'ai été plastiqué, par exemple, au temps de la guerre d'Algérie dans mon appartement et dans mon bureau. Mais oui, c'est prendre des risques qui, malgré tout, qu'il ne faut pas, sauf dans la période dure de la guerre d'Algérie, n'étaient pas des risques immenses. Mais c'est vrai, c'est prendre des risques. Et c'est prendre des risques parce que le combat en vaut le coup à tous les coups, c'est-à-dire que même lorsque vous rencontrez ces dirigeants algériens ou ces dirigeants de mouvements nationalistes arabes, que vous comprenez à demi-mot qu'effectivement ils ne vont pas établir la démocratie tout de suite dans leur pays. Vous pensez que ça vaut le coup de continuer le combat ? Je crois qu'il y a un problème pour l'Algérie qui a toujours existé pour moi, qui est celui des Européens d'Algérie. J'ai d'ailleurs mon deuxième voyage en Algérie, c'est sur l'invitation d'amis pieds noirs. À la fois, je l'ai trouvé aveugle, borné, ignorant de la réalité musulmane, mais en même temps, je souhaitais des solutions de compromis, indiscutablement. Mais pour le reste, je pensais que l'intérêt de la France était de ce que finit par dire De Gaulle. D'ailleurs, il a pensé De Gaulle que l'intérêt de la France, c'était de se débarrasser de ces formes de colonisation qu'on a essayé de conserver aussi longtemps que possible, aussi bien en Indochine qu'en Algérie, en Maroc, en Tunisie. Je crois que la France, pour devenir un pays moderne, et devait faire face à un avenir tout à fait différent. Vous avez applaudi à la solution Mendès, en Indochine, par exemple. Oui, tout à fait. Ça vous a transporté parce que vous êtes peut-être dit que c'était cela qu'il fallait faire, y compris pour les autres pays, Tunisie, Maroc. Oui, je le pensais. Même si on pouvait être sceptique sur ce qu'allait devenir la partie sud du Vietnam, où les Américains prenaient notre relève. Mais oui, moi, je souhaitais des formules de compromis. D'ailleurs, la première fois que je suis allé en Algérie, en avril 1954, les dirigeants nationalistes que je voyais m'ont dit, vous savez, ce qu'il faudrait, c'est qu'on applique le statut de l'Algérie de 1947. Mais j'ai dit, mais vous cessez de le combattre. Oui, mais ils redoutaient l'explosion, parce qu'ils pensaient que l'Algérie n'était pas le Vietnam, qu'il n'y avait pas de grandes forêts, qu'il n'y avait pas la Chine à côté, et que par conséquent, ils seraient écrasés, comme avait été écrasé. Donc ils voulaient éviter. Et qu'est-ce qu'ils me disaient ? Il faut dissoudre la Chambre algérienne, faire de nouvelles élections, même sur la base injuste d'un collège européen aussi nombreux que le collège musulman, qu'il fallait en finir, c'était promis par le avec les communes mixtes, c'est-à-dire ces circonscriptions directement dirigées par l'administration, et des choses de ce genre. Et moi, j'ai développé ça dans l'Observateur. Et plus tard, j'étais partisan du cessez-le-feu suivi d'élections. Donc j'ai toujours cherché, à la différence de la guerre du Vietnam, où j'étais pour la victoire du Vietnam, d'une certaine manière, avec mon passé communiste. J'ai toujours cherché des solutions d'accord, de compromis. Mais fondamentalement, je disais, de toute façon, nous ne resterons pas en Algérie. Mais l'époque n'était pas au compromis. C'est l'époque aussi où vous accrochez avec ceux qui ne veulent pas de compromis. Les gens comme Frantz Fanon, par exemple, qui pensent que le colonialisme est mauvais par nature. Bien entendu, j'ai une polémique avec Fanon, entre l'Observateur et le Mujahid. Fanon était un personnage un peu fou qui avait une vision, pour lui, les masses rurales allaient remplacer le prolétariat et la capitale de la future République algérienne devait être à la campagne et non pas dans la ville. C'était un peu la vision de Pol Pot. Et là, naturellement, cet extrémisme me paraissait tout à fait redoutable. Mais je savais que ce n'était pas la pensée des vrais chefs de la rébellion. Mais c'est une pensée qui plaît à l'extrême gauche française de l'époque, cette pensée radicale, sûr, parce que on cherche toujours le radicalisme. Bien sûr, c'est le phénomène d'exotisme politique. Les intellectuels révolutionnaires français qui avaient cru en l'Union soviétique et qui n'y croyaient plus, cherchaient des endroits où l'espoir pouvait renaître. Alors ça a été le Vietnam, ça a été Cuba, ça a été la Chine, ça a été même la Palestine, ça a été l'Algérie. Nous ne pouvons pas faire la révolution ici, espérons qu'ils la fassent, et ils la font dans notre intérêt. C'est la phrase de Sartre à propos du Vietnam comme des Algériens, ils combattent pour nous, alors que sur le terrain, les combattants vietnamiens ou algériens pensaient à beaucoup de choses, sauf à nous sauver, sauf à nous permettre de faire une vraie révolution socialiste. Alors, malgré votre lucidité, est-ce que vous acceptez de dire aujourd'hui, Gilles Martinet, que vous avez été fasciné par certains de ces leaders nationalistes que vous avez rencontrés pour l'Observateur à l'époque, France Observateur, ou pour d'autres de vos activités? Vous avez rencontré que ce soit Bourguiba, Nasser, Ben Bella, Ben Barka? Vous savez, je suis fasciné par l'intelligence politique. J'ai souvent eu à m'opposer à François Mitterrand et en même temps, il est vrai que j'étais fasciné par sa très grande lucidité et la façon dont il voyait les choses, par sa vision stratégique, même si je n'étais pas d'accord avec lui. Alors, il est évident que voyant Nasser, voyant Bourguiba, voyant des personnages de ce type, c'était pour moi cette mécanique politique qui implique nécessairement une certaine dose de cynisme. Et, d'une certaine manière, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'étais aussi fasciné par De Gaulle. Et là, c'est peut-être mon côté journaliste, plus que mon côté politique engagé. Et mon côté lucide, c'est-à-dire, bien, je ne partage pas ses idées, il va faire des choses que je n'approuve pas, mais quel personnage. Mais comment être lucide, observer les cyniques, sans tomber soi-même dans le cynisme? Eh bien, j'en ai une incapacité. Je peux considérer ça comme une faiblesse, peut-être d'une certaine manière, du point de vue de l'action pratique. De même que je n'arrive pas à être un tueur. Rationnellement, je sais ce qu'il faut faire pour réussir en politique et je sais, comment dirais-je, qu'il ne faut penser qu'à ça, qu'à son ambition si on veut gagner, et en même temps j'y parviens pas. Alors revenons, Gilles Martinet, donc à cette période des années 50, l'anticolonialisme d'un côté, le journalisme de l'autre, la grande aventure de France Observateur et la montée en flèche de l'Express. Là aussi, un journal anticolonialiste qui dénonce et qui petit à petit apparaît presque comme un journal qui va servir la carrière politique de quelqu'un. Est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre, vous-même, vous servir du journal que vous aviez fondé avec Claude Bourdet et Roger Stéphane pour peut-être une carrière politique? Bien, vous savez, Servan Schreiber un jour est venu me trouver et m'a dit, au fond, vous êtes un politique. Fusionnons l'Observateur et le, ça se passait en 63, fusionnons l'Observateur et l'Express, qui voulait dire absorber l'Observateur, faire absorber l'Observateur par l'Express, et disait-il, parce qu'il ne faisait jamais dans la nuance, naturellement le premier numéro commun, ça sera vous en première page, à la une, etc. J'ai pas marché parce qu'il s'agissait effectivement d'abandonner l'indépendance de l'Observateur, mais nous étions dans une période d'affaiblissement de l'un et de l'autre. Car, contrairement à ce qu'on pense, nos zones, nous étions concurrents, mais nos zones étaient, d'influence étaient assez différentes. Nous étions plus à gauche, ça paraissait assez clair. Ils étaient plus professionnels, d'une certaine manière, que nous. Et au fond, nous nous soutenions, d'une certaine manière, l'un l'autre. Quand il y a eu la fin de la guerre d'Algérie, en 62, la tension politique qui avait dominé dans le pays a brusquement baissé et la chute de nos ventes a été parallèle de l'Express et de l'Observateur, d'où cette idée de fusion. J'ai préféré l'autre solution qui a donné naissance au nouvel Observateur. Alors Servan Schreiber, à ce moment-là, ou peu après, a commis les mêmes erreurs que moi, c'est-à-dire qu'il a voulu être président du Parti radical, il a voulu être député de Nancy, et tout en conservant l'Express, et le résultat, c'est que les Servan Schreiber ont perdu l'Express. Le vœu de Gilles Martinet à l'époque, c'est à la fois d'être dans la quotidienneté du journalisme de tous les jours, en dirigeant un journal comme l'Observateur, mais c'est aussi toujours d'avoir du recul par rapport à ce qui se pratique et d'avoir les intellectuels auprès de soi, en fondant une revue comme la Revue Internationale avec Pierre Naville, Vous publiez, je crois, immédiatement après-guerre dans la Revue Internationale. C'est vous qui publiez David Rousset, oui, si je ne me trompe. Oui, Les Jours de notre mort sont publiés dans la Revue Internationale. Donc, il y a toujours cette volonté d'un aller-retour entre le quotidien, la surface des choses, et puis l'approfondissement, la nécessité d'être auprès des intellectuels et d'en faire partie, d'être de cette classe intellectuelle que vous ne voulez pas quitter, vous, l'ancien lycéen du lycée Carnot. Non, c'est je suis un personnage au fond assez dispersé parce que très curieux, très intéressé par un tas de choses et j'attache une grande importance aux pages culturelles de l'Observateur. Là aussi, c'est peut-être un de mes défauts, c'est de m'intéresser à trop de choses, de ne pas être assez centré. Cette volonté toujours de papillonner, d'être un petit peu... Papillonner est un peu péjoratif, mais ce n'est pas totalement faux. C'était volonté d'être au courant d'un peu tout. Roger Stéphane, qui était votre collègue et cofondateur de l'Observateur, ami, oui. Et ami, voulait être au milieu du monde et des mondains. Oui, mais lui, et vous vouliez être au milieu était spectateur. Lui n'avait pas d'ambition. Alors qu'à certains moments, j'ai eu incontestablement de l'ambition. Ce deuxième volet de La Voix Nue de Gilles Martinet au micro d'Emmanuel Laurentin a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 10 février 1998. Voici tout de suite le troisième volet de cette série d'A Voix Nue. Première diffusion sur France Culture le 11 février 1998. Gilles Martinet, nous vous avons quitté hier dans votre combat anticolonialiste auprès des gens qui avaient fondé avec vous, Claude Bourdet, Roger Stéphane, Hector de Gallard et d'autres, qui avaient fondé l'Observateur. L'Observateur qui était donc le fer de lance de ce combat anticolonial. Mais en même temps, puisque vous avez plusieurs vies et puisque vous nous avez expliqué hier que vous aviez tâté de la politique, du journalisme, du combat anticolonial tout en même temps, ces années 50, c'est également le moment où l'ancien communiste que vous êtes pense qu'il est possible de créer autour d'une personnalité, comme Mendès peut-être, ou autour d'idées, de nouveaux partis qui ne soient pas ni le Parti Socialiste, ni le Parti Communiste, mais qui restent ancrés à gauche, qui soient peut-être cette troisième voie tant espérée, parce que à l'époque, les trotskistes ou d'autres espèrent justement la possibilité d'une troisième voie. Et jusqu'à ce que Mendès apparaisse... En 1954, sur le feu de la politique, on le connaissait avant, mais c'est à partir de 1954 que naît le mendésisme. Jusque-là, ma position et celle de beaucoup de mes amis était une position que j'appellerais socialiste de gauche, c'est-à-dire que nous rêvions d'une voie qui soit ni le stalinisme ni la social-démocratie. Alors, c'était la position du Parti Socialiste Italien, c'était la position de beaucoup de gens, de la gauche travailliste, etc. Contre le stalinisme et contre la social-démocratie. Le stalinisme a fait une révolution, mais elle déviait d'une façon odieuse. La social-démocratie n'a jamais été capable de... Elle a fait des compromis, n'a jamais été capable de bâtir le socialisme. Alors, c'est le discours, au fond, que j'ai tenu, pas seulement moi, jusqu'à l'arrivée du mendésisme. Le mendésisme est un choc. Nous qualifions Mendès de représentant de la bourgeoisie intelligente. Ce sont les mots que nous utilisons. Nous, nous ne sommes pas dans le camp de la bourgeoisie. Lui est dans le camp de la bourgeoisie. Mais il nous pose des problèmes qui nous interpellent. Il pose des problèmes qui nous interpellent parce que il arrive au pouvoir au moment où les choses basculent ouvertement. C'est-à-dire où on passe d'une période qui est une période d'économie de guerre à une période qui va être les Trente Glorieuses, qui va être d'expansion. Et alors que nous considérions jusque-là, aussi bien Bevan en Angleterre, Nenni en Italie, les gens de l'Observateur en France, que le capitalisme était malthusien, qui ne pouvait plus entraîner une expansion, une croissance, un développement, voilà que le développement existe. Donc à la fois la croissance et Mendès, avec des idées modernes en économie et une morale qui consistait au fond à dire chaque dossier a une solution et rationnelle et il faut tout mettre en œuvre, y compris en brisant les résistances, etc. Pour bon, il n'a été que 7 mois au pouvoir, la démonstration n'a pas été évidente, mais c'était l'état d'esprit. Parce qu'il fallait incarner cet espoir qui était avant Mendès le vôtre, Gilles Martinet. Voilà. Il fallait l'incarner dans un homme. C'est-à-dire qu'il y avait eu des tentatives immédiatement après-guerre. Il y avait la tentative du RDR. Vous n'étiez pas du RDR avec non. David Rousset, avec non. d'autres personnes comme Jean-Paul Sartre. Il y avait eu des tentatives qui avaient été faites par vous et par d'autres oui. de créer des partis. Et ces tentatives s'étaient heurtées. Aux deux grands partis en place qui s'étaient recomposés tels qu'ils existaient absolument, auparavant. Absolument. Et de même, il y avait au sein de la résistance qu'on pourrait appeler une résistance pure de gens qui n'appartenaient pas au parti. Ils n'ont rien pu faire après la guerre. On a retrouvé en dehors du MR. Parce qu'on n'a pas pu créer de grands partis de la résistance, par exemple. Non, on n'a pas pu créer. Et c'est la même chose qui s'est produite en Italie. On a retrouvé des partis qui avait des traditions. Et qui était déjà trop ancien, trop ancré. Et qui était trop ancré dans l'imaginaire, dans l'esprit des socialistes, les communistes, ça a été une réalité. Donc on n'y parvenait pas. Mendès, d'une certaine manière, a échoué. Il a voulu prendre le parti radical, il ne l'a pas vraiment tenu, il ne l'a pas transformé, c'était pas un tueur, c'était tout lui aussi sauf un tueur. Finalement, le mendécisme, ça a duré de 54 à 58. Après, il va évoluer, il va adhérer au PSU, qui ne lui ressemble pas d'ailleurs, il va évoluer vers le socialisme. Mais le mendécisme, proprement dit, c'est un phénomène des années 50. Et c'est un phénomène qui nous interpelle. Pourquoi ? Qui nous interpelle parce qu'il nous révèle une modernité, il montre la possibilité d'un réformisme, et le PSU deviendra un parti à la fois socialiste avec la perspective de l'extension du secteur public, de la planification, etc., mais deviendra aussi un parti réformiste. Par exemple, en 63, nous opposons au cinquième plan un contre-plan chiffré. Mais ça, c'est très Mendès. Ça, c'est très Mendès. Alors, nous sommes d'ailleurs, Mendès est membre du PSU, naturellement. Il a adhéré au PSU, faute de mieux. Mais là, nous nous retrouvons. Mais nous sommes passés, entre-temps, dans cette période 54-58, la recherche d'une troisième voie qui est anti-stalinisme et social-démocratie à une troisième voie qui est entre système autoritaire et capitalisme libéral, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a tout de même un côté qui vous plaît, à vous, le lucide, du moins, c'est comme ça que vous aimez à vous définir, Gilles Martinet, c'est le côté anti-idéologique de Mendès. Mendès qui a fait sa thèse sur Poincaré, qui apparaît comme un libéral, vous le dites, oui. qu'il est un bourgeois libéral, et on peut imaginer ce que ça signifie dans la tête de quelqu'un de gauche à l'époque que de qualifier quelqu'un de bourgeois libéral. Mais néanmoins, ce côté anti-idéologique de Mendès, c'est ce qui vous plaît ? Alors, je ne dirais pas exactement cela, parce que je reste quand même marqué par l'idéologie. Et je crois aussi qu'il y a des phases dans notre histoire où on parle de la fin des idéologies, et il y a des phases, on va le voir en mai 68, mais où il y a une renaissance d'idéologie. Je crois qu'il y a un besoin d'idéologie, un besoin d'une vision de l'avenir. Et alors Mendès, sur ce plan, était effectivement a-idéologique. Par exemple, il n'était pas anticommuniste, mais le communisme ne l'intéressait pas. Il faisait partie d'une génération où on ne connaissait pas Marx dans les facultés de droit et dans les études d'économie politique. Et il, pour lui, c'est un phénomène étrange, le Parti communiste. Quand en mai 68, il se verra éventuellement à la tête d'un gouvernement de transition, il ne pense pas à aller voir les communistes. Il pense que logiquement, ils le suivront, comme ils l'avaient suivi au moment de l'affaire indo-chinoise. Mais c'était quand même un point faible chez lui de ne pas enregistrer en dehors de la grande tradition républicaine à laquelle il était très attaché, mais de ne pas tenir vraiment compte des factures idéologiques. C'était à la fois ce qui faisait son succès dans les années 50, mais ce qui faisait sa faiblesse en tant que stratège, disons, d'une politique. Alors comment vous, qui en tant que journaliste, allez interviewer à la même époque Mossadegh, allez interviewer Nasser, rencontrer les grands dirigeants nationalistes arabes en particulier, ne percevez-vous pas chez Mendès cette faiblesse à gouverner, cette faiblesse à, disons, à diriger et à prendre la main lorsqu'on la lui propose? Parce que c'est tout de même historiquement ce qu'on peut reprocher à Mendès, c'est d'avoir pris la main pendant 7 mois, d'être reparti sur son Aventin et de ne jamais être retourné aux affaires d'une certaine façon. Est-ce que vous ne voyez pas cette faiblesse qui est inhérente au personnage de Mendès à ce moment-là? Je ne l'ai pas vu d'abord parce que j'ai connu Mendès bien avant 54. Son gouvernement, naturellement, il y a eu un problème entre l'équipe de l'Observateur et lui, puisque c'est le moment où nous sommes inculpés par la justice militaire, et c'est le moment aussi où il fait en Algérie une politique que nous ne souhaitons pas. Vers la fin, il évoluera, comme d'ailleurs Mitterrand. Mais enfin, à cette époque, c'est quand même... quand on va le voir sur l'Algérie et qu'on le met en garde sur la possibilité d'une insurrection prochaine, il dit, vous vous déraillez. Et nous avons avec lui un désaccord au moment de son gouvernement. Par la suite... Nous observerons, et moi en particulier, sa faiblesse à conquérir le Parti radical. Il n'était pas un homme à constituer un réseau de pouvoir. Il avait des amis, il avait des gens qui avaient confiance en lui, mais après 58, on s'est aperçu qu'il était nu, qu'il y avait quelques personnes, style Hernu ou d'autres, Dayan, etc., qui étaient avec lui. Bérégovoy, mais la différence avec Mitterrand était fantastique. Et le coup qui nous a surtout frappé, c'est le coup de 1956. Tout le monde s'attendait, après la victoire relative du Front républicain, que le président du Conseil soit Mendès, et Mendès était trop orgueilleux pour s'imposer, ce qu'aurait fait sans problème Mitterrand, et il a laissé, il en a été très malheureux, mais il a laissé Coty désigner Mollet, alors que tout le monde l'attendait s'il avait voulu s'imposer. Mais justement, il attendait qu'on vienne le chercher et il ne voulait pas s'imposer. Nous avons un exemple proche, qui est peut-être celui de Jacques Delors, c'est-à-dire qui attendent qu'on vienne le chercher et qui hésitent. Il était hésitant, Mendès. Est-ce pour cela que vous écrivez quelque part dans un des livres que vous avez écrit, en particulier, je pense que c'est dans Cassandre et les tueurs, vous écrivez que elle est drôle, cette deuxième gauche qui naît sous l'égide de Mendès, parce qu'elle récupère les chrétiens qui ont une telle aversion pour la conquête du pouvoir qu'ils ne savent pas comment faire justement pour s'en débarrasser de ce pouvoir. Est-ce pour ça justement qu'ils rejoignent ces chrétiens dans les années 50, au moment de la guerre d'Algérie, qu'ils rejoignent les idées de Mendès et cette deuxième Mendès gauche? Mendès était pour les gens de la CFDT, c'est-à-dire la principale force de la deuxième gauche, disons, de la CFDT de l'époque. Mendès était l'homme idéal, l'homme politique selon leur cœur. Ils ne se salissaient pas les mains. Et Mendès a évolué vers des solutions socialistes sous l'influence non pas du PSU, mais de la CFDT. Oui, il apparaissait comme un homme honnête, un homme rigoureux, qui, dans la détermination des chrétiens évoluant vers la gauche, est fondamentale. Détermination morale. C'est d'ailleurs pourquoi la SFIO n'a jamais eu beaucoup de militants chrétiens dans ses rangs. Gilles Martinet, comment se passe dans les années 50 justement cette forgerie qui permet la naissance autour de Mendès et autour de l'Observateur d'une mouvance qui ne soit ni communiste ni socialiste et qui soit particulière à la fin de ces années 50? Bien, parce que il y a d'un côté communiste tout de même la découverte du goulag, et du côté de la SFIO et du Parti radical, la série de compromissions qui fait que Mollet sera ministre de Gaulle et qu'ensuite ils chercheront à se rattraper avec un cartel des noms qui grouperont toute la droite parlementaire. Donc il y a un rejet à la fois du goulag et de la combinaison politicienne traditionnelle. Alors un rejet par qui ? Par des gens qui sont traditionnellement à gauche et qui ne se retrouvent plus dans les deux grands partis de la gauche ? Il y a une montée des nouvelles classes moyennes. Il y a une montée des nouvelles classes moyennes salariées, car s'il y a une base ouvrière avec la CFTC devenue CFDT, la nouvelle gauche, c'est la montée des classes moyennes. C'est les gens qui ont été forgés par les hebdos et qui sont les lecteurs des hebdos, qui ont donc une information politique que n'a pas celui qui lit tous les jours le journal régional. J'ai rien contre le journal régional, mais c'est deux publics différents. On le sent très bien quand on fait des conférences en province. C'est deux publics, les questions qu'ils vous posent. Et alors la deuxième gauche, je ne dis pas que toutes les classes moyennes modernes, les classes moyennes salariées, sont nouvelle gauche, mais c'est dans ce milieu que la nouvelle gauche recrute. Alors vous recrutez donc pour la création à la fin des années 50 du PSU des anciens socialistes, des anciens communistes, oui, en rupture de banc, et des catholiques. Et c'est peut-être là la nouveauté, c'est oui, le recrutement des catholiques. Voilà. Alors les catholiques sont dans une position qui n'est pas toujours commode. Parce que ils ne sont pas dans le passé de la gauche, ou plus exactement, l'Église est dans le passé de la gauche en tant qu'ennemi. Donc ils sont des fils adoptifs par rapport à nous autres, si j'ose dire, qui sont des enfants légitimes. et du coup, ils voudraient que le socialisme commence maintenant. Qu'ils écoutent favorablement nos discours disant que le Parti communiste a fait des choses abominables, que la SFIO c'est une bande d'opportunistes, parce qu'alors là, si toute cette gauche est mauvaise, alors on recommence à zéro tous ensemble. Et c'est là où ils vont d'ailleurs, au moment de la constitution du nouveau Parti socialiste, se heurter à Mitterrand. Mitterrand est un catholique de formation, mais il n'aime pas les catholiques de gauche, il s'en méfie. Et un jour, j'ai une conversation avec lui, et je lui reproche d'écarter les gens du PSU. Il me dit, c'est pas vrai, après tout, Jacques Lang, Popren, Bérégovoy étaient du PSU, et je crois pas les écarter. Non, ce sont, me dit-il, Martinet, ce sont les catholiques de gauche qui me font peur. Et pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont énormément de qualité, mais qui sont par trop angéliques, qui ne comprennent pas véritablement ce qu'est la politique, et surtout qui repoussent la tradition. Or, on ne peut rien faire d'important dans un vieux pays comme la France sans manger une partie de la tradition. Et s'ils venaient à être majoritaires dans le Parti socialiste, ils écarteraient tout un pan énorme de ce qui fait la force de la gauche française et qui est lié à une longue et vieille tradition. Alors, ces militants donc que repousse d'une certaine façon François Mitterrand dans les années 70, ce sont quand même eux qui, d'une certaine façon, ont sauvé l'honneur de la gauche dans les années 50 et 60, parce que ce sont eux qui sont les fers de lance du combat contre la guerre d'Algérie, par exemple. Exactement. Et ce sont eux aussi qui mettent en avant des nouveautés. Dans le mouvement paysan, par exemple, sur le plan syndical, indiscutablement, ils apportent beaucoup d'idées. Et surtout, ils permettent à la gauche de devenir majoritaire. Car si vous regardez la carte électorale de l'Ouest et de l'Est, dans les années 70, c'est grâce justement 70, au ralliement des catholiques dans les années 50. Exactement, exactement. Les ministres bretons d'aujourd'hui sont des anciens membres de la jeunesse étudiante chrétienne. Alors comment expliquer, Gilles Martinet, que dans cette période des années, de la fin des années 50, vous ne soyez pas tombé, tous ces fondateurs de ce qui va devenir le PSU et qui va être un des grands partis des années 60, tombé dans le gauchisme pur et dur? C'est-à-dire que vous auriez pu tomber dans les travers que vous dénonciez tout à l'heure, des trotskistes par exemple. Vous auriez pu tomber dans ces scissions multiples qui faisaient qu'au bout du compte, plus rien n'était possible. Qu'est-ce qui fait justement que vous ne tombez pas dans ces excès gauchistes, mais que vous restez dans une sorte d'entre-deux ? Si je participe activement à la création de nouveaux partis, je ne crois pas à l'avenir de ces nouveaux partis. Je pense qu'il s'agit d'aller à la conquête des anciennes formations et donc de s'affirmer d'abord. Et puis, il n'était pas question d'aller à l'SFIO, d'aller au Parti communiste dans les années 50 ou 60. Mais dès 65, c'est-à-dire quand se reforme autour de la candidature de Mitterrand l'Union de la gauche... Avec la Fédération de la gauche démocrate. Alors, je suis partisan d'aller... à Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Et je perds la direction au congrès de 67 sur cette question, parce que je ne... Vous êtes là encore pour le compromis. Je suis pour réinvestir le capital politique que nous avions constitué à un niveau plus élevé. Il ne s'agissait pas de dissoudre le PSU, il s'agissait d'adhérer dans un ensemble et de ne pas nous faire marginaliser. Car... Et ayant appris la politique dans un grand parti, le Parti communiste, je ne croyais pas à l'avenir des petites formations. Et j'ai vu l'échec depuis les années 1923 de tout ce qui avait tenté de se manifester en marge. Vous citiez le Rassemblement démocratique révolutionnaire. Avant, il y avait le Parti socialiste ouvrier paysan, le Parti d'unité prolétarienne, etc. Tout ça avait été des échecs. Le PSU, c'était une situation exceptionnelle à cause de la guerre d'Algérie, à cause du gaullisme, à cause de l'effondrement de la SFIO. Mais ça ne pouvait pas durer. Donc, j'étais pour aller, et je suis allé dès le congrès d'Épinay. Je suis resté au PSU jusqu'au congrès d'Épinay. Et je suis allé au Parti socialiste. Et Rocard, qui au fond était partisan d'aller à la FGDS, mais qui là a saisi l'occasion tactique de prendre la tête du PSU. Et de vous mettre en minorité. Et de me mettre en minorité, a eu exactement le même pourcentage que moi, 33%, lorsqu'il a voulu entraîner le PSU au Parti socialiste. Mais beaucoup plus tard. En 1974, 7 ans plus tard. Et c'est 7 ans de perdu pour lui, 7 ans de trop, qui ne parviendra pas à rattraper. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut renforcer le PSU dans les années 60, c'est ce qui se passe avec la guerre d'Algérie, le rendre assez fort pour que ça soit un allié incontournable, mais qu'il reste et demeure avec son identité au sein d'une gauche plurielle, comme on dirait aujourd'hui. Oui, mais là où je me trompe, c'est que les militants chrétiens qui étaient devenus majoritaires au sein du PSU, les militants chrétiens agissant pour des raisons principalement morales trouvaient impossible d'être dans la même fédération, non pas dans le même parti, dans la même fédération que Guy Mollet ou que Mitterrand. Et par conséquent, pour eux, c'était un refus principalement moral. Ces chrétiens dont vous dites dans un article du Monde il y a quelques années, vous dites qu'ils sont honnêtes, qu'ils sont généreux, mais qu'ils sont pleins de bizarreries. Oui, parce que effectivement, bizarre est un mot curieux, mais ils sont en effet. Pour eux, la politique est un mal avec lequel il faut composer. Ils voudraient une autre façon de faire de la politique, et quand ils en font. Ils la font comme les autres, d'une certaine manière. Mais il y a chez eux ce ressort, qui est très sympathique d'ailleurs, ce ressort qui veut qu'on ne se ne s'identifie pas complètement avec les politiciens traditionnels. Le mot traditionnel, pour eux, il y a deux mots clés chez les chrétiens, c'est acteur social et traditionnel. Alors traditionnel, c'est abominable. Acteur social, c'est quasiment mythique. C'est les gens auxquels on doit donner la possibilité de parler et d'agir. Ce qui explique que cette deuxième gauche, à la fin des années 60, au début des années 70, soit à la fois très, très basiste sur le plan de la société et de la défense justement des acteurs sociaux, et en même temps ait gagné la modernité en économie, par exemple. Oui. Parce que, et réussi la fusion si entre vous voulez, les deux. La nouvelle gauche, telle que l'a incarnée à un moment donné Rocard, avant de venir au Parti socialiste, c'était le mélange du réalisme économique et de l'autogestion. Et ça, ça convenait très bien à toute une partie de ces classes moyennes dont je parlais tout à l'heure. Il y avait l'idéal, l'autogestion, et en même temps... Le refus de raisonner avec les vieux schémas marxistes, avec une vision de l'économie qui ne correspondait en rien à la situation présente. Et là, en fait, c'est dans cette deuxième gauche, dans ce PSU, que se créent les idées qui vont faire la conquête petit à petit du pouvoir par le Parti socialiste. Vous prenez le programme du Parti socialiste de 1971 et le programme commun. De 72, plus exactement, et vous trouvez la planification démocratique, l'autogestion, toute une série d'idées qui ont été lancées en marge. La décentralisation. La décentralisation, et Dieu sait si nous nous sommes heurtés à des résistances formidables. Et la socialisation des pôles de domination économique. Exactement, et non plus de secteurs entiers. Donc toutes ces idées-là ont été reprises par le Parti socialiste. C'est-à-dire que cette expérience a d'abord été une expérience intellectuelle et politique à la fois, mais où la place intellectuelle, la réflexion était plus importante que la place du travail de terrain. A été très grande. Et alors là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'arrivée au pouvoir de Général de Gaulle, le retour au pouvoir de Général de Gaulle en 1958, c'est un formidable coup de bâton sur la tête de la gauche et qui oblige à tout remettre en cause. C'est là où naissent les clubs, les groupes de pensée, où les petits partis s'affirment. Il y a une effervescence intellectuelle des années 60 qui est liée en France à la victoire du gaullisme. Alors là, en réaction contre la victoire du gaullisme. Et là, Gilles Martinet, le dispersé, devient quelqu'un qui arrive à rallier tout ensemble, c'est-à-dire l'action politique dans ces années 60, la direction d'un grand journal, avec les grandes idées intellectuelles qui y sont défendues, et puis justement le foisonnement propre à une période politique intense. Oui, d'une certaine manière, dans la mesure où chacun a dans sa vie des hauts et des bas, c'est la courbe la plus haute. Ces trois premiers volets de la série d'A Voix Nue, Gilles Martinet, au micro d'Emmanuel Laurentin et réalisé par Christine Robert, ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 9, 10 et 11 février 1998. À suivre et d'ici là, à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Love was true. We had a great standing.